第四段。 Dalet. Achal. Achal Levi. Levi Achal. Achal Levi et Hadag. Lo Achal Levi et Hadag. He Achal Levi et Hadag? Hallo, achal Levi et Hadag? Shamra. Shamra Dina. Dina Shamra. Shamra Dina et Hatzon. Lo Shamra Dina et Hatzon. Shamra Dina et Hatzon? Hallo Shamra Dina et Hatzon?